религия, задача религия – исход из неволи, то есть из Вавилона, и возвращение на священную родину, где твои корни, то есть Руц. Кстати, в Эфиопию так никто и не вернулся. Побеждает мнение, что нужно сначала разрушить свой Вавилон, царство порока, и лишь потом все вместе и белым, и черным вернуться. Il était beau comme un paquet de clopes, avec dans sa hotte la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes, des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune. Cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, fini de danser. C'est moi le shérif, vous serez le bad boy. On a beau dire, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits à habiter. Et c'est ainsi qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée. Tous à manger la même bouillie. Pris tout le zinc pour en faire le métro. Il a plus nos cheveux, c'est faire la coupe afro. Il a pris tous nos cafés, il a pris tout le cuivre. Il est parti sans nous laisser la marche à suivre. Suma oro cante borila, alo maie. sunja tabe suma urugena Uma fo musuluko Uma fo musuluko li Nono tiriba madengonona Конечно же, регги – это не религия. Но если отделить эту религию от регги, то что останется? Цель регги – делать людей счастливыми. Цель религии – делать людей счастливыми и мудрыми. Одно из повелений Всевышнего людям – жить, познавая мудрость друг друга. Sarala Comme un voleur, je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peuple. Arrivé comme un héros, il est reparti à zéro. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peuple. Bye bye, le balayeur balayé, le balayeur balayé. Ennemi. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peuple. Arrivé comme un héros, il est reparti à zéro. Je l'avais pourtant prévenu de la présence de votre retour. Bye bye, le balayeur balayé, le balayeur balayé. Тикин Джа Факалюи родился 23 июня 1968 года в Одиене, в северно-западной части Кот-д'Ивуара. Хотя он происходит из семьи кузнецов, с юных лет проявлял интерес к музыке. Музыкальная карьера Тикин Джа начиналась в 1977 году, но лишь в 1991 состоялся его первый настоящий концерт, а до этого изнурительная игра на танцах и в ресторанах. Тот жаркий вечер 27 августа зал был забит до отказа. Публика требовала продолжения. Africa, Paris. Oh, MPA. étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, oh, oh, un père en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Mom, I'm thinking about you. From a three-star hotel in Chakel. You see, you should not tremble. Here I have a roof and some money. We live here together, we survive. We lack most nothing, it's neither hell or heaven to be an African in Paris. To be an African in Paris. Latino, sim. Sei que nada cai do céu, nada bom ou mesmo algo ruim. Vou cumprindo meu papel. Mamãe, sei que tu as l'habitude de trop vite de ta folie. Si tu n'es pas d'inquiétude, si un hôtel a brûlé. Oh, un pays en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un pays en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Fermer, hein? Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. 1993 году Тикинджа записал свой первый альбом, который сделал его самым известным исполнителем в Кот-д'Ивуаре, а через 4 года был издан «Мангеркратия». Именно «Мангеркратия» сделал его знаменитым и во Франции. Фокали с огромным успехом пел в Париже, выступал на знаменитом фестивале в Ангулеме, был награжден «Виктуар де ля музик». Surtout à nous, la terre il n'y en a qu'une. Ne promettons pas la lune. Comment imaginer la suite en avançant, prendre la fuite? Comment rendre l'homme respirable? Comment rendre la vie supportable? Faudrait au-dessus et que nous on est toujours victime. Justice, réveille-toi. Sur ces gens-là, très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en tôle, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Mais ma justice, réveille-toi. Регги – это борьба. В связи с тяжелой политической обстановкой на родине в последние годы Тикинджа живет в изгнании, но и в более благополучных странах он не может смириться с несправедливостью. Так, во время фестиваля в Дакаре в декабре 2007 года он попросил президента Абдулая Вада уйти в отставку, если тот любит Сенегал. В 2010 году Факали выпустил альбом «Африканская революция» по событиям в Кот-д'Ивуаре и Тунисии. Регги – музыка вечная. Борьба за свободу будет всегда, пока жив человек. Furula tatako quale venele fe mo faranzika lunana kuye tatale furula tatako quale venele fe amerike galunana kuye tatale furula tatako quale venele fe Mo faranzi kalunana. tata le furula tata ko pale venele fe america kalunana oh kuye tata le furula tata ko pale venele fe ma tata kangelene awa bamso kangelene tata kangelene tata kangelene ile kane kangelene nene tunga ke kangelene yete nununga ke kangelene anu meta nyomfa o tata bonika ya fama o tata ya fama tata bonika ya fama Реги значит быть в согласии с собой, быть в гармонии с миром. Тикин Джа Фокали. Акустика. 16 февраля 2024 года.